En qualité de chef de station, deviez-vous être impliqué dans la conception du plan visant à tester les renseignements d'origine humaine? Mis à part cette frappe en août 1998, mon bureau est à l'origine de toutes les autres opérations. Nous avions des liens avec l'Alliance du Nord, le groupe de combattants tadjiks du Nord, dirigé par Ahmed Shah Massoud. De 1997 à 2000, à peu près, la CIA a envoyé des équipes dans le nord de l'Afghanistan pour rencontrer les partisans de Massoud, pour essayer de les impliquer. Essayer de contrôler ce qui se passait sur le terrain était un travail de tous les jours pour moi et mon équipe au Pakistan. On recevait constamment des conseils, des aides et des ordres de Washington, et tout ce que nous planifions, que nous mettions au point, devait être approuvé par Washington et par le CNS, Conseil national de sécurité, qui pesait à son tour si cette frappe risquait d'engendrer des dommages collatéraux. Cela vaut-il le coup de prendre ce risque? Allons-nous faire empirer la situation en pratiquant ce genre d'activité? Avons-nous été sur le point de réussir? Nous l'avons trouvé dans le désert au début de 1999, je crois, dans le sud de l'Afghanistan, en février. Il était avec un groupe des Émirats Arabes Unis, UAE, avec lesquels les États-Unis avaient de très bonnes relations sur le plan politique. Mes agents afghans trouvèrent Ben Laden dans ce camp. Nous aurions pu tirer avec des missiles de croisière B1 ou des bombardiers B2. Une fois encore, le problème, c'était les dommages collatéraux. Qu'arriverait-il aux Arabes à l'intérieur du camp? Et qu'en serait-il de nos relations avec les Émirats Arabes? Tout ce qu'il y a à dire, c'est que nous n'avons pas essayé et que nous l'avons manqué. Je ne crois pas que nous ayons jamais été aussi près de l'avoir après ça, sauf en décembre 2001 à Tora Bora. Avez-vous recommandé cette opération? Oh oui, absolument. L'organisation de Ben Laden venait tout juste de bombarder deux ambassades en Afrique, de tuer des centaines de gens, d'en blesser des milliers d'autres. C'était un vrai boucher. Ce n'était pas juste un arabe étrange qui errait dans le désert et auquel ils offraient l'hospitalité. Ils savaient pertinemment qui il était. J'ai dit plusieurs fois par le passé, « Si vous vous couchez avec les chiens, vous vous réveillerez avec des puces. » Mon conseil était donc le suivant, « Essayez, nous n'aurons pas d'autre chance et nous ne regretterons pas de l'avoir fait. » Jusqu'où va le débat dans de tels moments? Vous discutez jusqu'à ce qu'on vous dise de la fermer, que la décision a été prise. Aidez-moi à comprendre la chaîne. Elle part de vous à Islamabad. Pour aller où et vers qui? La chaîne de commande part de moi, en qualité de chef de station, remonte vers le chef de la division du Moyen-Orient et le chef du CTC, puis vers le directeur des services de renseignement, le DCI, qui emmène alors les personnes comme les deux gentlemen que je viens de citer au CNS et à la Maison-Blanche afin de tout mettre sur la table. Évidemment, ce genre de choses demande que le président donne son accord pour la frappe. C'est remonté au plus haut, puis c'est redescendu à la Maison-Blanche. En fait, le débat a duré plus d'une semaine, car Ben Laden est resté là-bas plusieurs semaines. Je me levais le matin, j'y allais, on me posait une question. Dans quelle tente dort Ben Laden? Puis une autre, où va-t-il aux toilettes? Et je répondais, je n'en ai aucune idée. Et même si je le savais, quelle différence cela ferait-il? Il n'y va pas à heure fixe. Les questions comme « Quelle tente leur sert de mosquée? Où vont-ils prier ?» On regardait une photo prise du ciel. Comment je le saurais? On passait aux choses sérieuses, là, et il était impossible de répondre. À l'époque, il me semblait juste, particulièrement puisque ça venait du CNS, que c'était un moyen de trouver une raison pour ne pas agir, plutôt que de trouver un moyen de faire le boulot. Mais Clinton a signé 8 ou 10 ordres exécutifs qui disaient que vous étiez en mesure de le tuer. Je crois que tout le monde savait, que tout le monde s'était rendu compte que nous pouvions tuer Ben Laden. Le problème, c'était que nous allions tuer un paquet de ces Arabes. Ils auraient pu être les fils des dirigeants d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes, ou de Dubaï. Qui savait qui ils étaient? Le risque de voir nos relations avec eux se détériorer dans une région où nous n'avions pas beaucoup d'amis? Et le fait qu'ils étaient en train d'acheter toute une flotte d'avions de combat F-16? Tous ces facteurs ont pesé sur la décision prise. Non, nous l'aurons une prochaine fois. Il y aura d'autres occasions, d'autres opportunités. Et comment compreniez-vous, par ce que vous entendiez dire au moins, la manière dont s'est comporté Tenet dans ce processus? Sur le terrain, j'avais l'impression qu'il plaidait en faveur du projet. Mais que cela venait du CNS, au sein duquel on hésitait à attraper Ben Laden alors qu'il était avec un groupe d'Arabes du Golfe. Dans une certaine mesure, peut-être de Dick Clark aussi, expert antiterroriste. Clark? C'est ce qu'on nous a dit sur le terrain, c'était une information de seconde ou de troisième main. Que Clark avait été l'un de ceux à poser beaucoup de questions sur qui se trouvait dans le camp, comment il était organisé, où était Ben Laden. C'est intéressant car, bien sûr, Dick Clark s'est fait connaître comme étant un farouche opposant à Ben Laden. Il est très fort pour ça. Je crois tout simplement que les circonstances étaient telles avec les personnes qui accueillaient Ben Laden dans ce camp que c'était lui personnellement ou tout le groupe autour de lui qui disait « Nous pouvons avoir Ben Laden plus tard dans une situation où on ne tuera pas des gens qui sont peut-être nos amis. » Même s'ils sont assis avec un meurtrier qui affirme être en guerre avec les États-Unis, quel genre d'amis sont-ils? Ça fait quoi d'être vous assis derrière ce bureau et comment avez-vous reçu l'ordre de vous retirer, que nous n'allions rien entreprendre? Je ne me rappelle pas les circonstances exactes, mais je me souviens avoir reçu un câble qui disait « La décision a été prise au sein du CNS que nous n'attaquerions pas Ben Laden maintenant. » On nous a alors ordonné de prendre des mesures pour protéger nos collaborateurs afghans, qui prenaient des risques considérables là-bas, car on avait en réalité besoin d'envoyer nos gars dans la région, où ils pourraient garder un œil sur le camp afin de s'assurer que Ben Laden y était toujours. Quand vous y repensez, ça doit vraiment vous foutre en l'air. Il y a tant d'autres choses à faire dans la bureaucratie que de jeter l'éponge à un moment donné et démissionner. J'ai présenté de bons arguments, c'est tout. La CIA soumet l'info. De notre côté, nous donnons l'opportunité, nous évaluons les risques et puis nous transmettons aux décideurs politiques. C'est comme ça. Est-ce que j'étais énervé? Oui. Est-ce que je regrette qu'on ne l'ait pas fait? Oui, beaucoup. Je crois que ça aurait changé la donne. Cela n'aurait peut-être pas empêché le 11 septembre, il était déjà bien planifié. Mais cela aurait pu l'entraver. Cela aurait pu le retarder. Peut-être que ça ne l'aurait pas empêché, mais ça, nous ne le saurons jamais. Il est toujours en liberté quelque part.